Selon la radio sud-coréenne CBS, l'ex-ministre de la Culture, du Sport et du Tourisme a dénoncé le 26 décembre à la presse que la Maison Bleue a pris l'initiative de l'élaboration de la liste noire du milieu culturel qui cause du scandale. Il a dit notamment: selon l'ordre de Kim Gi-chun, ancien secrétaire en chef de la Maison Bleue, le secrétaire en chef de l'enseignement et de la culture de la Maison Bleue et d'autres ont donné au ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme la liste noire où sont inscrits les noms de 9473 personnes du milieu de la culture et des arts qui ont exigé l'éclaircissement de la vérité et de la submersion du paquebot Sewol, se sont opposés à la bande des traîtres ou ont soutenu les forces progressistes. Par ailleurs, selon News 1 sud-coréen, Kim Gi-chun a dissimulé les faits essentiels qui révèlent le scandale de Park Geun-hye et de Choi Soon-sil.